Il est 7h31. Le popocoptère qui se promène au-dessus de la station. Oh, on vient de parachuter un ministre. C'est lequel? Bon, le parachute descend. Oh! C'est la ministre Malavoie. Elle est ici pour un investissement majeur en éducation. Une conférence de presse pour nous annoncer que la ministre a acheté pour son bureau chez Bureau en gros 3 gommes à effacer, 8 stylos bleus, 9 stylos rouges, 200 feuilles lignées, un investissement de $13,49 de votre gouvernement. On rit plus avec le PQ. Le show. On s'en balance. On veut juste le party pas. Du matin, avec Denis Gravel et Jérôme Landry. D'un côté, on est côté Radio X, là. Radio. Je sais pas si c'est la présence du popocoptère qui fait en sorte que notre chum Jérôme Landry a décidé de quitter plus tôt pour New York. Il est en train de se laisser séduire, fait qu'il a décidé de quitter. Tu vois, hein, dans la face de quelqu'un quand il est dû pour partir. Mais tu disais que la face à Jérôme hier matin, puis je lui ai dit, je pense, 4 fois là, pendant le show, dès qu'on sortait pendant les pauses là, pour jaser un peu dans le corridor, je disais, hey, toi, t'es écœuré. Hein? Il avait sa face de vendredi. Ah oui. On souhaitait un bon voyage à Jérôme, à José, à tous les membres de la Nordique Nation qui vont partir ce soir dans les 8 autobus qui s'en vont à Nassau Coliseum. Puis c'est le fun, ça va être des retrouvailles pour bien du monde avec Patrick Roy. Il y en a d'autres qui voient ça comme des retrouvailles avec les anciens Nordiques. Des retrouvailles avec Nassau Coliseum, c'est là que l'aventure a commencé. Après tout, l'aventure complètement folle de la Nordique Nation, puis de voir qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui font ces voyages-là, puis qui continuent de répandre le message très hippie et très peace and love de la Nordique Nation. Moi, je trouve ça extraordinaire. Hey, 8 autobus. C'est du stock. 8 autobus là. À Nassau Coliseum, qui est un trou à rats pour aller voir les Islanders, qui est l'équipe la moins sexy de la ligue, ou sinon pas loin. Là. À une période où, contrairement, mettons, l'année passée ou à toutes les semaines, on se disait quasiment, il va-tu avoir une annonce, va-tu y avoir une annonce. Ah mais oui. Encore là, on y croit suffisamment. C'est beau. Hey, je sais pas s'il était à bord du popocoptère, mais une chose est sûre, c'est qu'on s'en va le rejoindre dès maintenant, notre chum Éric Duhaime. Salut Éric, bon matin. Bon matin, Denis. Je crois pas au hasard, moi, Éric. Quand dans la même semaine, il y a des ministres qui se déplacent pour des annonces ridicules, qu'on donne des nananes à la grandeur de la province. Je suis pas fou, je le sais que ça sent les élections, mais j'ai de la misère à voir comme un hasard aussi que, comme par magie, c'est cette semaine que la FTQ fait ses grandes annonces de ménage. Et oui, ça aussi, c'est difficile à croire. Puis comme par hasard, ils ont envoyé un communiqué de presse pour annoncer leur conférence de presse il y a 2 jours. 1 heure après que Mme Agnès Maltais, la ministre du Travail, ait dit que là, elle commençait à être impatiente puis qu'elle avait hâte d'avoir les règles de gouvernance puis de bon fonctionnement du Fonds de solidarité. Fait que c'est bizarre, mais je sais pas si c'est le Fonds de solidarité qui l'avait prévenu puis qui y était de connivence, ou si elle a voulu leur couper l'herbe en dessous du pied pour se faire du capital politique. Mais je sais une chose, c'est que c'est pas le PQ qui poussait après la FTQ. Tout le monde savait que c'était arrangé avec le gars des vues. Et effectivement, on assiste encore une fois à une belle mise en scène. Une autre annonce. En fait, je pense qu'on devrait inclure ça, à part les 85 annonces. Il y a les 85 annonces sous l'argent à pleu de... Comment t'appelles ça? La popocoptère ou les popo, là? Ben, les lipopos, c'est pas mauvais non plus. On a eu plein de suggestions hier, nous autres, Éric. Le moulin sort express. Il y en a qui voulaient qu'on l'appelle tout simplement Touch. Ce qui est resté, c'est que l'hélicoptère tournait juste à gauche et de reculons. Ça, c'est entendu tout le monde. Ça, c'est clair. Et donc... c'est ça. À part les 85 annonces là, de Maman Noël qui nous annonce des projets qu'on n'a pas moyen de se payer, ouais. Il y a aussi d'autres annonces comme celle du Fonds de solidarité de la FTQ hier qui font partie, comment je te dirais ça, c'est l'équipe B du plan de campagne du PQ qui entre en scène. Donc, des acteurs supposément neutres et indépendants qui font des petites annonces qui pourraient peut-être faciliter la vie à leurs amis péquistes. Mais m'a dit franchement, c'est parce que un moment donné, le jupon dépassait peut-être un peu trop hier. Là, y avait-tu moyen de pas savoir que c'était le frère de Jacques Parizeau, là, il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ben, hein? C'est parce que c'est ça, c'est, il aurait fallu que ça ressemble pas à son sosie. Ça aurait peut-être été une bonne affaire. Ça, c'est le bout du bout. Puis je garde. Lui, il va faire quoi, hein? Explique-nous un peu. Il va être président du conseil d'administration de la FTQ. Historiquement, c'était le président de la FTQ qui occupait cette fonction-là. Oui. Pour présider le conseil d'administration du Fonds de solidarité. À partir de maintenant, ça va être quelqu'un de l'extérieur de la FTQ. Donc, cette fois-ci, le frère de Jacques Parizeau. Mais ce qui est bizarre, puis là, regarde, je veux pas y prêter des intentions politiques. J'ai aucune espèce d'idée c'est quoi ces allégeances politiques. Puis ça serait pas la première fois que deux frères ont des opinions différentes. On a déjà même vu au Québec que deux premiers ministres étaient de deux partis politiques différents de la même famille. Donc, c'est pas... Ça veut strictement rien dire. Sauf que on est dans un monde de perception. Et de prendre, tu sais, on a parlé beaucoup de l'inceste entre le PQ et la FTQ pour toutes sortes de raisons, à commencer parce que Pauline Marois elle-même est mariée avec un gars qui a dirigé le Fonds de solidarité de la FTQ pendant 15 ans, parce que sa ministre de la politique industrielle, c'est une ancienne présidente des fonds régionaux de la FTQ, parce que Jean Lavallée, qu'on a entendu témoigner il y a 2-3 semaines à la commission Charbonneau, hein, a parlé de sa femme qui a fait carrière au PQ, parce que Jean-Yves Dutelle, qui était le directeur des communications du Fonds de solidarité de la FTQ, vient d'être nommé par le PQ en Allemagne. Et je pourrais continuer la liste presque toute la matinée. Là. Il y a des liens très, très, très, très, très proches, pour pas dire incestueux, entre le PQ et la FTQ. Puis ça, c'est pas bon pour l'institution. Et il fallait dépéquiciser aussi le Fonds de solidarité de la FTQ. Puis la personne la plus éloignée du PQ qu'ils ont trouvé à mettre à la présidence, ben c'est le frère de Jacques Parizeau. Fait que de l'extérieur, ça a l'air fou. Puis je dis pas, regarde, le gars a des compétences. Là. De toute évidence, quand tu regardes son CV, il a un CV long comme le bras. Il a été à la tête de toutes sortes d'entreprises. Il a siégé sur le conseil de grandes entreprises québécoises. C'est vraiment quelqu'un, un gestionnaire qui, en tout cas sur papier, semble être A1, sauf que la perception là de distancer le PQ de la FTQ, disons que mettre le frère de Jacques Parizeau, c'est raté comme tentative. Mais en même temps, ils vont pouvoir rajouter dans leur discours électoral qu'ils ont fait le ménage à la FTQ et qu'on a fait changer les choses. Puis c'était peut-être le petit morceau de casse-tête qui manquait pour ceux qui avaient encore des doutes. T'as plus de doutes, là, on s'en va en élection, Éric. Mais oui, on s'en va en élection, mais attends une minute, là, ce qu'ils ont changé, là, c'est beaucoup de la façade. Là. C'est pas parce qu'un mur est... Quand ton mur est pourri chez vous, c'est pas parce que tu le peintures que ça va mieux. Là. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on a fait hier. Là. On a fait une façade. On a tassé Yvon Bolduc, qui était le PDG du Fonds de solidarité de la FTQ, qui va être obligé de prendre une retraite forcée le 31 mars. Évidemment, il y a même un petit peu de miel au bout de la suce, parce qu'on va lui donner 1 million en prime de départ. C'est ça me semble que ça adoucit le Ça se prend mieux, mettons, se faire flusher de même. Ça me surprend qu'il ne soit pas parti hier déjà pour en profiter. Mais là, ça aurait coûté 1,2 million. Là. Fais attention, Véro. Ah ouais, je m'adresse à Rénal Brière. S'il me propose la même prime, je ferme le micro là. Je m'en vais chez nous. Là. on aimerait tout ça se faire flusher de même. Donc, mais toujours est-il que ça aussi, ça donne une autre impression bizarre. C'est qu'il y a 2 mois, rappelez-vous, Michel Arsenault a quitté la présidence du plus important syndicat au Québec, la FTQ, dans la controverse à cause des révélations notamment qu'on entendait à la commission Charbonneau et ce qui s'en venait, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Mais il a quitté pour des raisons éthiques. Pas parce que Michel Arsenault nécessairement est corrompu, mais parce qu'il a vu le système de corruption à la FTQ, puis il s'est bouché le nez, puis il s'est fermé les yeux, puis a essayé de garder ça à l'interne plutôt que de faire le ménage puis de révéler ça sur la place publique. La même chose pour Yvon Bolduc. Yvon Bolduc, le PDG du Fonds de solidarité de la FTQ, on n'a rien à y reprocher au niveau criminel. Là. C'est pas quelqu'un qui s'est rempli les poches. T'sais, c'est pas quelqu'un comme Jean Lavallée qu'on a entendu, lui, à la commission Charbonneau. Il y a des affaires qu'on peut poser beaucoup de questions. Yvon Bolduc, c'est pas ça. Mais on peut y reprocher, par exemple, d'avoir gardé ça secret, puis d'avoir essayé d'enterrer le scandale, d'avoir essayé d'effacer les noms de gens associés aux Hells Angels qui étaient dans les projets de la FTQ. Puis on peut l'accuser de ça. Ce que je trouve bizarre, c'est que les règles éthiques au Fonds de solidarité puis à la FTQ font en sorte que les gens qui ont camouflé des scandales mais qui sont pas nécessairement parties prenantes au scandale sont congédiés, alors qu'au gouvernement du Parti québécois, on entend la ministre Hélène Zakaïb. Toujours ministre, au moment où on se parle. Toujours ministre en titre au moment où on se parle, alors que ça fait plus que deux semaines qu'on sait que madame dit moins j'en sais, mieux je me sens. Elle était au courant des magouilles, elle était au courant que l'argent était détourné juste pour les entreprises de Tonia Curceau. Jamais elle a révélé ça publiquement. Pire que ça, elle dit même à Michel Arsenault, attends, je vais fermer la porte. Faudrait surtout pas que personne sache ça. Puis inquiète-toi pas, Michel, on va garder ça secret entre nous autres. Et c'est ce genre d'attitude-là. Puis pire que ça, elle fait une conférence de presse pour nous dire qu'elle est blanche comme neige, puis qu'elle a rien à se reprocher quand on entend l'enregistrement commission Charbonneau, puis nous dire que c'est pas illégal, puis elle oublie de nous dire que la commission Charbonneau l'a interrogé la semaine d'avant dans le cadre de ses travaux pour la commission d'enquête. Fait que c'est Pauline Marois qui est obligée de Davos le lendemain de nous l'apprendre. Fait que cette femme-là est encore ministre du gouvernement du PQ. Fait que ce que j'en conclue, c'est que la FTQ, qui est déjà pas net, a des standards éthiques plus élevés que le PQ. C'est pas rassurant, ça, là. Pas ben. Comment t'as trouvé François Legault cette semaine, Éric, qui a parlé et remis sur la table le deal. Le deal entre le mari de Pauline Marois et Michel Arsenault, puis qui dit « Je vais en parler à tous les jours ». La réaction de Pauline Marois, il y a deux affaires que j'ai trouvées positives pour la CAQ là-dedans. Premièrement, elle avait l'air écœurée de n'entendre parler, puis ça avait l'air d'aller la chercher par en dessous. Et deuxièmement, juste le fait de parler de la CAQ dans une réaction, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au sein du Parti québécois. T'as raison, effectivement, la CAQ a existé même dans l'univers péquiste grâce à cette déclaration-là. Et j'ai l'impression que c'est la roche dans le soulier de Mme Marois qui risque de la poursuivre pendant encore plusieurs semaines. Puis là, ils s'en vont en campagne électorale. Puis j'ai des mauvaises nouvelles pour le PQ, c'est que la commission Charbonneau va continuer ses travaux pendant la campagne électorale. En tout cas, c'est ce qui est prévu présentement. Mm-hmm. Donc, on va continuer à avoir des révélations. Puis les prochains dossiers, là, quand on va avoir fini le volet syndical, ce qui va intéresser la commission après, supposément, en fonction de l'horaire des travaux, c'est l'intimidation sur les chantiers de construction au Québec. Et j'ai la mauvaise nouvelle pour le PQ, c'est que c'est pas nécessairement les libéraux ou les caquistes qui vont être dans le trouble quand on va parler de ça. Ça va être les petits amis, encore une fois, de la FTQ et des autres syndicats. Ouais. Et le Parti québécois directement, parce qu'il faut pas oublier que ceux qui assurent la sécurité dans les grands rassemblements péquistes pendant la campagne électorale, c'est la FTQ Construction. On a appris ça aussi à la commission Charbonneau. Donc, le PQ risque d'être encore une fois éclaboussé par cette commission-là en pleine campagne électorale. Et Mme Marois, qu'elle le veuille ou non, là, le deal qu'il y a eu entre son mari et la FTQ, il va falloir un jour ou l'autre que son mari sorte de son mutisme. Je sais pas si ça va être à l'Assemblée nationale, mais de toute évidence, le Philippe Couillard, il a pas le goût d'appuyer la CAQ pour que M. Blanchet soit obligé d'être convoqué à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça va être à la commission Charbonneau. La juge Charbonneau n'a pas encore décidé si elle allait, oui ou non, interroger Claude Blanchet. Mais le mari de Pauline Marois va devoir, un jour ou l'autre, prendre un micro puis expliquer aux Québécois qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son maudit deal, puis pourquoi aujourd'hui on entend des enregistrements où le président de la FTQ dit qu'il a un deal avec lui puis qu'il tient le PQ à cause de ça. Et Mme Marois, là, c'est pas elle qu'on va entendre là-dessus. Parce que c'est pas elle qui a fait le deal. Celui qui a fait le deal, c'est son mari. Son mari, présentement, il se cache. Un moment donné, il va falloir qu'elle sorte là, de sa tanière. Elle pourra pas passer une campagne électorale au complet à cacher son mari. Je suis un peu plus négatif que vous autres quand je regarde la politique dans son ensemble. Je suis un gars qui est rendu un peu cynique, un peu désabusé, puis je regarde la campagne électorale qui s'en vient, puis je me dis, Christy, qu'on va perdre du temps parce que les sorties des ministres, ça va rapporter. Jouer à la petite séduction en politique, ça rapporte toujours. Legault est trop loin d'un sondage. Philippe Couillard est invisible. C'est réglé, cette campagne-là. Le PQ va être majoritaire. Mais plus j'y pense, plus je me rappelle ce qu'on a vécu dans les dernières années, entre autres au fédéral avec la vague jaune-orange. Des fois, là, tout bouleverser les pourcentages, puis les sondages, puis l'échiquier politique, puis les intentions de vote. Parce que oui, c'est notre défaut de pas lire les programmes de parti au Québec, là, mais ça fait qu'on change d'idée assez vite, merci. Ouais. Ça prendrait pas grand-chose pour faire virer le vent de bord, je me trompe-tu? Écoute, ça prendrait strictement rien, je veux dire. Faut comprendre d'abord qu'il y a toujours une prime à l'une pour le Parti libéral. Rappelle-toi, dernière élection, ouais, les libéraux ont fini à moins de 1% du PQ, alors que tout le monde pensait qu'ils étaient troisième. Les sondages, une semaine avant les élections, nous disaient que les libéraux étaient même plus dans la course. Ils ont fini à 1 point du pouvoir. Donc, il y a une prime à l'urne pour le Parti libéral. Les personnes âgées qui disent « Je ne sais pas, je suis indécis encore. Moi, je dis pas ça pour qui je vote. » C'est quand tu arrives dans la boîte, là, c'est libéral, libéral, libéral, libéral. Ouais. Fait que il y a une prime à l'urne au Parti libéral qu'il faut pas sous-estimer. Deuxièmement, je viens d'en parler, la commission Charbonneau pourrait faire des vagues et pourrait mettre le Parti québécois dans l'embarras. Troisièmement, moi, la position de François Legault présentement dans les sondages, si j'étais lui, je serais pas nécessairement fâché. Parce que honnêtement, ces dernières semaines, on a l'impression que c'est eux autres la vraie position officielle. Oui. Et j'ai comme l'impression que ça a pas encore été capté par les électeurs, puis ça apparaît pas encore dans les sondages, mais ça se pourrait que la CAQ entre en campagne électorale avec un upswing là, sur une montée. Et l'important là, c'est pas vraiment où t'es dans le sondage quand on part une campagne électorale, c'est quelle est la tendance. Est-ce que t'es dans une hausse ou t'es dans une baisse? Et j'ai l'impression que Mario Dumont, là, quand on est parti en 2007, là, qu'on a fini à 31%, 41 députés, on était à peu près à ça, 15-16% du vote, là, plus bas que la CAQ l'est présentement. Fait que c'est pas vraiment important d'où tu pars, c'est où tu finis, puis quelle tendance que tentent les deux pendant la campagne électorale. Tu parlais de la commission Charbonneau tantôt. La CAQ se retrouve encore avec le beau rôle, parce que la commission Charbonneau va continuer de siéger normalement pendant la campagne électorale. Ça veut dire que le PQ va faire attention, les libéraux vont faire attention. Le seul parti qui peut gagner de la continuité de la commission Charbonneau, c'est la CAQ. Effectivement. Puis l'autre affaire, c'est que les libéraux et le PQ attaqueront pas la CAQ. Ils vont s'attaquer entre eux autres, comprends? Oui. Fait qu'ils vont, parce qu'ils voient pas la CAQ dans les sondages encore. Ils sont pas sous l'écran radar. Fait qu'ils vont s'attaquer entre eux. Fait que ça pourrait aussi jouer pour Legault. Puis Philippe Couillard, ben écoute, c'est sa première campagne. Beaucoup de Québécois ne le connaissent pas comme chef. Il va falloir qu'il fasse ses preuves. Donc, lui aussi pourrait avoir une espèce de lune de miel, parce qu'il n'a honnêtement pas eu comme chef du Parti libéral depuis qu'il est arrivé là. Fait que ça pourrait être surprenant. Et les péquistes, l'autre élément qui pourrait jouer contre le Parti québécois, et je pense qu'on commence à avoir un avant-goût, là, Mme Marois qui jongle ouvertement et publiquement avec l'idée de partir en campagne électorale sans montrer son budget, là. Ça, je la trouve fort, pas à peu près, c'est indécent. Là. Hier, c'était plus le vice-premier ministre, c'est la première ministre qui l'a carrément dit. Ça n'a aucun sens. Ça démontre une irresponsabilité totale de la part de Pauline Marois. C'est comme quitter la maison avant de régler ses dettes puis avant de la vendre. Là, je veux dire, c'est un constat d'abandon de dire moi, ça me donne rien de me rendre là parce que je vais me faire dévisser. Puis les fameuses colonnes de chiffres là, qui nous ont manqué la dernière fois qu'on a parlé de finances avec le gouvernement, là, ben ils veulent pas les montrer. C'est ça. Et là, les livres ferment pas. Le PQ est un mauvais gestionnaire pendant que... Je me trompe tout le temps. La popocoptère se promène, puis elle distribue des millions. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui paye en quelque part, puis ça va apparaître un moment donné dans un budget. Mais ça, on veut pas que vous le voyez avant les élections. Ouais. Ça va être très, très, très difficilement défendable. Donc, puis le parti aussi, ça, c'est une autre affaire qu'on voit tout le temps dans les élections. Le parti qui provoque l'élection, que les électeurs identifient comme étant le responsable d'aller aux urnes, ben ce parti-là, il paye toujours 1 ou 2% dans la première semaine de la campagne électorale. Fait que c'est tellement serré présentement. Moi, c'est drôle, hein. Si j'avais à jouer à Jojo Savard un matin, il fallait que je vous donne des prédictions, là. Je dirais, j'ai l'impression qu'on va revenir avec un gouvernement minoritaire péquiste. Fait que quand tu disais qu'on perd notre temps tantôt pis t'étais cynique, imagine toi si on s'en va d'une campagne électorale qui va nous coûter les yeux de la tête pis que dans 2 mois on se ramasse avec un gouvernement exactement pareil comme ce qu'on a présentement. Terrible. Comment on va avoir perdu du temps et de l'argent. Fait que tu vas avoir encore une raison de plus, mon pauvre Denis, pour être cynique politiquement parlant. Hey Eric, bonne fin de semaine. Ciao. Salut. Il est 7h48. Notre chum Eric Duhaime qui nous parlait de politique, de l'élection qui s'en vient, c'est de moins en moins subtil, c'est de plus en plus évident. Et moi, je maintiens que le plan péquiste est simple et malheureusement, ça se peut qu'il marche à cause de ça. Tu sors les ministres, tu joues à petite séduction, tu donnes des nananes à tout le monde, même s'ils sont ridicules, tu sors le ministre, ça paraît bien. On aime ça se faire crouser, même si c'est par quelqu'un par qui on n'est pas tant intéressé. C'est pas mieux des deux bords. C'est pareil des deux bords, hein, en passant. Pensez-vous que Stephen Harper vient ici pour le fun? Stephen Harper vient ici pour ramasser des votes. Il y a même pas. Tu tripes ce bonhomme carnaval. Non, il y a même pas d'annonce à faire. Il y a juste à multiplier le nombre de fois où il se pointe à Québec, puis il va ramasser des votes par terre des gens qui ont voté pour le NPD puis qui ont constaté que ça a pas donné grand chose. Il y a juste à dire sa petite phrase. Ah, oh, j'aime tellement venir à Québec. Oh, il aime ça venir chez nous. Bon, on est de même. Oh. On est de même. Puis le PQ l'a bien compris et t'as ça, t'as la charte. Étant donné que les Québécois ont peur des étranges, ça, c'est le fond de la charte pour vrai, là. Il y a peut-être un débat intéressant et utile à faire autour d'une charte, mais c'est pas pour ça que le PQ le fait. C'est pour que la marde pogne à Ottawa, et c'est parce que le Québécois a peur, puis ils veulent montrer que le gouvernement fait quelque chose. Et ça marche aussi. Maintenant, reste à voir s'il y a quelque chose à changer dans cette campagne électorale-là. Moi, j'ai l'impression que la région de Québec a son rôle là-dedans. J'ai l'impression que la CAQ doit livrer aussi, là. Des sorties comme Legault a fait cette semaine. Faut qu'il y en ait tout le temps. Ça en prend d'autres, ça en prend plus. Pendant que Philippe Couillard est perdu un peu, faut que quelqu'un prenne sa place. Elle est libre. Elle est là. Les spotlights sont sur la scène. Il y a juste à se présenter au micro. C'est pas dur. La patinoire est vide. Patine, mon vieux, patine. Il est 7h50 à Radio X.